Chapitre 4. Instinct des animaux. Après avoir reconnu dans l'organisation des êtres un plan régulier, qu'on ne peut attribuer au hasard et qui suppose un ordonnateur, il nous reste à examiner d'autres causes finales, qui ne sont ni moins fécondes ni moins merveilleuses que les premières. Ici, nous ne suivrons personne. Nous avions consacré à l'histoire naturelle des études que nous n'eussions jamais suspendues, si la Providence ne nous eût appelés à d'autres travaux. Nous voulions opposer une histoire naturelle religieuse à ces livres scientifiques modernes où l'on ne voit que la matière. Pour qu'on ne nous reprochât pas dédaigneusement notre ignorance, nous avions pris le parti de voyager et de voir tout par nous-mêmes. Nous rapporterons donc quelques-unes de nos observations sur les instincts des animaux et des plantes, sur leurs habitudes, leurs migrations, leurs amours, etc. Le champ de la nature ne peut s'épuiser, et l'on y trouve toujours des moissons nouvelles. Ce n'est point dans une ménagerie où l'on tient en cage les secrets de Dieu qu'on apprend à connaître la sagesse divine. Il faut l'avoir surprise, cette sagesse, dans les déserts, pour ne plus douter de son existence. On ne revient point impie des royaumes de la solitude, regna solitudinis. Malheur au voyageur qui aurait fait le tour du globe et qui rentrerait athée sous le toit de ses pères. Nous l'avons visité au milieu de la nuit, la vallée solitaire habitée par des castors, ombragée par des sapins, et rendue toute silencieuse par la présence d'un astre aussi paisible que le peuple dont elle éclairait les travaux. Et je n'aurais vu dans cette vallée aucune trace de l'intelligence divine ? Qui donc aurait mis l'équerre et le niveau dans l'œil de cet animal qui sait bâtir une digue en talus du côté des eaux et perpendiculaire sur le flanc opposé ? Savez-vous le nom du physicien qui a enseigné à ce singulier ingénieur les lois de l'hydraulique, qu'il a rendu si habile avec ses deux dents incisives et sa queue aplatie ? Réaumur n'a jamais prédit les vicissitudes des saisons avec l'exactitude de ce castor, dont les magasins, plus ou moins abondants, indiquent au mois de juin le plus ou le moins de durée des glaces de janvier. À force de disputer à Dieu ses miracles, on est parvenu à frapper de stérilité l'œuvre entière du Tout-Puissant. Les athées ont prétendu allumer le feu de la nature à leur haleine glacée, et ils n'ont fait que l'éteindre. En soufflant sur le flambeau de la création, ils ont versé sur lui les ténèbres de leur sein. D'autres instincts, plus communs et que nous pouvons observer chaque jour, n'en sont pas moins merveilleux. La poule, si timide, par exemple, devient aussi courageuse qu'un aigle quand il faut défendre ses poussins. Rien n'est plus intéressant que ces alarmes lorsque, trompés par les trésors d'un autre nid, de petits étrangers lui échappent et courent se jouer dans une eau voisine. La mer effrayée rôde autour du bassin, bat des ailes, rappelle l'imprudente couvée. Elle marche précipitamment, s'arrête, tourne la tête avec inquiétude, et ne cesse de s'agiter qu'elle n'ait recueilli dans son sein la famille boiteuse et mouillée qui va bientôt la désoler encore. Entre ces divers instincts que le maître du monde a répartis dans la nature, un des plus étonnants sans doute, c'est celui qui amène chaque année les poissons du pôle aux douces latitudes de nos climats. Ils viennent, sans s'égarer dans la solitude de l'océan, trouver à jour nommé le fleuve où doit se célébrer leur hymen. Le printemps prépare sur nos bords la pompe nuptiale. Il couronne les saules de verdure. Il étend des lits de mousse dans les grottes et déploie les feuilles du nénuphar sur les ondes pour servir de rideau à ses couches de cristal. À peine ces préparatifs sont-ils achevés qu'on voit paraître les légions émaillées. Ces navigateurs étrangers animent tous nos rivages. Les uns, comme de légères bulles d'air, remontent perpendiculairement du fond des eaux. Les autres se balancent mollement sur les vagues ou divergent d'un centre commun comme d'innombrables traits d'or. Ceux-ci dardent obliquement leur forme glissante à travers l'azur fluide. Ceux-là dorment dans un rayon de soleil qui pénètre la gaze argentée des flots. Tous s'égarent, reviennent, nagent, plongent, circulent, se forment en escadrons, se séparent, se réunissent encore, et l'habitant des mers, inspiré par un souffle de vie, suit, en bondissant, la trace de feu que sa compagne a laissée pour lui dans les ondes. Chapitre 5. Chant des oiseaux, qu'il est fait pour l'homme, loi relative aux cris des animaux. La nature a ses temps de solennité pour lesquels elle convoque des musiciens des différentes régions du globe. On voit accourir de savants artistes avec des sonates merveilleuses, de vagabonds troubadours qui ne savent chanter que des ballades à refrain, des pèlerins qui répètent mille fois les couplets de leur long cantique. Le loriot siffle, l'hirondelle gazouille, le ramier gémit. Le premier, perché sur la plus haute branche d'un ormeau, défie notre merle, qui ne le cède en rien à cet étranger. La seconde, sous un toit hospitalier, fait entendre son ramage confus, ainsi qu'au temps des Vendres. Le troisième, caché dans le feuillage d'un chêne, prolonge ses roucoulements, semblables aux sons onduleux d'un cor dans les bois. Enfin, le rouge-gorge répète sa petite chanson sur la porte de la grange, où il a placé son gros nid de mousse. Mais le rossignol dédaigne de perdre sa voix au milieu de cette symphonie. Il attend l'heure du recueillement et du repos et se charge de cette partie de la fête qui se doit célébrer dans les ombres. Lorsque les premiers silences de la nuit et les derniers murmures du jour luttent sur les coteaux, au bord des fleuves, dans les bois et dans les vallées, lorsque les forêts se taisent par degrés, que pas une feuille par une mousse ne soupire, que la lune est dans le ciel, que l'oreille de l'homme est attentive, le premier chantre de la création entonne ses hymnes à l'éternel. D'abord, il frappe l'écho des brillants éclats du plaisir. Le désordre est dans ses chants. Il saute du grave à l'aigu, du doux au fort. Il fait des pauses. Il est lent, il est vif. C'est un cœur que la joie enivre, un cœur qui palpite sous le poids de l'amour. Mais tout à coup la voix tombe, l'oiseau se tait. Il recommence, que ses accents sont changés, quelle tendre mélodie! Tantôt ce sont des modulations languissantes, quoique variées. Tantôt c'est un air un peu monotone, comme celui de ces vieilles romances françaises, chef-d'œuvre de simplicité et de mélancolie. Le chant est aussi souvent la marque de la tristesse que de la joie. L'oiseau qui a perdu ses petits chante encore. C'est encore l'air du temps, du bonheur qu'il redit, car il n'en sait qu'un. Mais, par un coup de son art, le musicien n'a fait que changer la clé, et la cantate du plaisir est devenue la complainte de la douleur. Ceux qui cherchent à déshériter l'homme, à lui arracher l'empire de la nature, voudraient bien prouver que rien n'est fait pour nous. Or, le chant des oiseaux, par exemple, est tellement commandé pour notre oreille qu'on a beau persécuter les hôtes des bois, ravir leurs nids, les poursuivre, les blesser avec des armes ou dans des pièges. On peut les remplir de douleur, mais on ne peut les forcer au silence. En dépit de nous, il faut qu'ils nous charment, il faut qu'ils accomplissent l'ordre de la Providence. Esclaves, dans nos maisons, ils multiplient leurs accords. Il y a sans doute quelque harmonie cachée dans le malheur, car tous les infortunés sont enclins au chant. Enfin, que des oiseleurs, par un raffinement barbare, crèvent les yeux à un rossignol, sa voix n'en devient que plus harmonieuse. Cet Homère des oiseaux gagne sa vie à chanter et compose ses plus beaux airs après avoir perdu la vue. « Démodocus, dit le poète de Chio, en se peignant sous les traits du chantre des Phéaciens, était le favori de la muse. Mais elle avait mêlé pour lui le bien et le mal, et l'avait rendu aveugle en lui donnant la douceur des chants. » L'oiseau semble le véritable emblème du chrétien ici-bas. Il préfère, comme le fidèle, la solitude au monde, le ciel à la terre, et sa voix bénit sans cesse les merveilles du Créateur. Il y a quelques lois relatives aux cris des animaux qui, ce nous semble, n'ont point encore été observées, et qui mériteraient bien de l'être. Le divers langage des hôtes du désert nous paraît calculé sur la grandeur ou le charme du lieu où ils vivent, et sur l'heure du jour à laquelle ils se montrent. Le rugissement du lion, fort, sec, âpre, est en harmonie avec les sables embrasés où il se fait entendre. Tandis que le mugissement de nos bœufs charme les échos champêtres de nos vallées. La chèvre a quelque chose de tremblant et de sauvage dans la voix, comme les rochers et les ruines où elle aime à se suspendre. Le cheval belliqueux imite les sons grêles du clairon et, comme s'il sentait qu'il n'est point fait pour les soins rustiques, il se tait sous l'aiguillon du laboureur et hennit sous le frein du guerrier. La nuit, tour à tour charmante et sinistre, a le rossignol et le hibou. L'un chante pour le zéphyr, les bocages, la lune, les amants. L'autre pour les vents, les vieilles forêts, les ténèbres et les morts. Enfin, presque tous les animaux qui vivent de sang ont un cri particulier qui ressemble à celui de leur victime. L'épervier glapit comme le lapin et miaule comme les jeunes chats. Le chat lui-même a une espèce de murmure semblable à celui des petits oiseaux de nos jardins. Le loup bêle, mugit ou aboie. Le renard glousse ou crie. Le tigre a le mugissement du taureau. Et l'ours marin, une sorte d'affreux râlement, tel que le bruit des récifs battus de vagues où il cherche sa proie. Cette loi est fort étonnante et cache peut-être un secret terrible. Observons que les monstres parmi les hommes suivent la loi des bêtes carnassières. Plusieurs tyrans ont eu des traces de sensibilité sur le visage et dans la voix, et ils affectaient au dehors le langage des malheureux qu'ils songeaient intérieurement à déchirer. Néanmoins, la Providence n'a pas voulu qu'on s'y méprît tout à fait, et pour peu qu'on examine de près les hommes féroces, on trouve sous leur feinte douceur un air faux et dévorant, mille fois plus hideux que leur furie. Chapitre 6. Nid des oiseaux. Une admirable providence se fait remarquer dans les nids des oiseaux. On ne peut contempler sans être attendri cette bonté divine qui donne l'industrie aux faibles et la prévoyance à l'insouciant. Aussitôt que les arbres ont développé leurs fleurs, mille ouvriers commencent leurs travaux. Ceux-ci portent de longues pailles dans le trou d'un vieux mur. Ceux-là maçonnent des bâtiments aux fenêtres d'une église. D'autres dérobent un crin à une cavale, ou le brin de laine que la brebis a laissé suspendu à la ronce. Il y a des bûcherons qui croisent des branches dans la cime d'un arbre. Il y a des filandières qui recueillent la soie sur un chardon. Mille palais s'élèvent, et chaque palais est un nid. Chaque nid voit des métamorphoses charmantes. Un œuf brillant, ensuite un petit couvert de duvet. Ce nourrisson prend des plumes. Sa mère lui apprend à se soulever sur sa couche. Bientôt, il va jusqu'à se pencher sur le bord de son berceau, d'où il jette un premier coup d'œil sur la nature. Effrayé et ravi, il se précipite parmi ses frères, qui n'ont point encore vu ce spectacle. Mais, rappelé par la voix de ses parents, il sort une seconde fois de sa couche, et ce jeune roi des airs, qui porte encore la couronne de l'enfance autour de sa tête, ose déjà contempler le vaste ciel, la cime ondoyante des pins et les abîmes de verdure au-dessous du chêne paternel. Et pourtant, tandis que les forêts se réjouissent en recevant leur nouvelle hôte, un vieil oiseau, qui se sent abandonné de ses ailes, vient s'abattre auprès d'un courant d'eau. Là, résigné et solitaire, il attend tranquillement la mort au bord du même fleuve où il chanta ses amours et dont les arbres portent encore son nid et sa postérité harmonieuse. C'est ici le lieu de remarquer une autre loi de la nature. Dans la classe des petits oiseaux, les œufs sont ordinairement peints d'une des couleurs dominantes du mâle. Le bouvreuil niche dans les aubépines, dans les groseilliers et dans les buissons de nos jardins. Ses œufs sont ardoisés comme la chape de son dos. Nous nous rappelons avoir trouvé une fois un de ses nids dans un rosier. Il ressemblait à une conque de nacre contenant quatre perles bleues. Une rose pendait au-dessus, tout humide. Le bouvreuil mâle se tenait immobile sur un arbuste voisin, comme une fleur de pourpre et d'azur. Ces objets étaient répétés dans l'eau d'un étang avec l'ombrage d'un noyer qui servait de fond à la scène, et derrière lequel on voyait se lever l'aurore. Dieu nous donna dans ce petit tableau une idée des grâces dont il apparaît la nature. Parmi les grands volatiles, la loi de la couleur des œufs varie. Nous soupçonnons qu'en général, l'œuf est blanc chez les oiseaux où le mâle a plusieurs femelles, ou chez ceux dont le plumage n'a point de couleur fixe pour l'espèce. Dans les classes aquatiques et forestières, qui font leur nid, les unes sur les mers, les autres dans la cime des arbres, l'œuf est communément d'un vert bleuâtre, et pour ainsi dire teint des éléments dont il est environné. Certains oiseaux, qui se cantonnent au haut des tours et dans les clochers, ont des œufs verts comme des lierres, ou rougeâtres comme les maçonneries qu'ils habitent. C'est donc une loi qui peut passer pour constante que l'oiseau étale sur son œuf la livrée de ses amours et le symbole de ses mœurs et de ses destinées. On peut, au seul aspect de ce monument fragile, dire à peu près quel était le peuple auquel il a appartenu, quels étaient son costume, ses habitudes, ses goûts, s'il passait des jours de danger sur les mers ou si, plus heureux, il menait une vie pastorale. S'il était civilisé ou sauvage, habitant de la montagne ou de la vallée. L'antiquaire des forêts s'appuie sur une science moins équivoque que celle de l'antiquaire des cités. Un chêne exfolié ou chargé de mousse annonce bien mieux celui qui lui donna la croissance qu'une colonne en ruine ne dit quel fut l'architecte qui l'éleva. Les tombeaux parmi les hommes sont les feuillets de leur histoire. La nature, au contraire, n'imprime que sur la vie. Il ne lui faut ni granit, ni marbre pour éterniser ce qu'elle écrit. Le temps a rongé les fastes des rois de Memphis sur leurs pyramides funèbres. Il n'a pu effacer une seule lettre de l'histoire que l'ibis égyptien porte gravée sur la coquille de son œuf. Chapitre 7. Migration des oiseaux, oiseaux aquatiques, leurs mœurs, bonté de la Providence. On connaît ces vers charmants de Racine le Fils sur les migrations des oiseaux. Ceux qui, de nos hivers redoutant le courroux, vont se réfugier dans des climats plus doux, ne laisseront jamais la saison rigoureuse surprendre parmi nous leurs troupes paresseuses. Dans un sage conseil, par les chefs, assemblés, du départ général, le grand jour est réglé. Il arrive, tout part. Le plus jeune, peut-être, demande, en regardant les lieux qui l'ont vu naître, quand viendra ce printemps, par qui tant d'exilés, dans les champs paternels, se verront rappelés. Nous avons vu quelques infortunés à qui ce dernier trait faisait venir les larmes aux yeux. Il n'en est pas des exils que la nature prescrit, comme des exils commandés par des hommes. L'oiseau n'est banni un moment que pour son bonheur. Il part avec ses voisins, avec son père et sa mère, avec ses sœurs et ses frères. Il ne laisse rien après lui. Il emporte tout son cœur. La solitude lui a préparé le vivre et le couvert. Les bois ne sont point armés contre lui. Il retourne enfin mourir au bord qu'ils ont vu naître. Il y retrouve le fleuve, l'arbre, le nid, le soleil paternel. Mais le mortel chassé de ses foyers, y rentre-t-il jamais? Hélas! L'homme ne peut dire en naissant quel coin de l'univers gardera ses cendres, ni de quel côté le souffle de l'adversité les portera. Encore, si on le laissait mourir tranquille. Mais aussitôt qu'il est malheureux, tout le persécute. L'injustice particulière dont il est l'objet devient une injustice générale. Il ne trouve pas, ainsi que l'oisiveté, l'hospitalité sur la route. Il frappe, et l'on n'ouvre pas. Il n'a pour appuyer ses os fatigués que la colonne du chemin public ou la borne de quelque héritage. Souvent même, on lui dispute ce lieu de repos qui, placé entre deux champs, semblait appartenir à personne. On le force à continuer sa route vers de nouveaux déserts. Le banc qu'il a mis hors de son pays semble l'avoir mis hors du monde. Il meurt, il n'a personne pour l'ensevelir. Son corps gît délaissé sur un grabat, d'où le juge est obligé de le faire enlever, non comme le corps d'un homme, mais comme une immondice dangereuse au vivant. Ah, plus heureux lorsqu'il expire dans quelque fossé au bord d'une grande route, et que la charité du Samaritain jette, en passant, un peu de terre étrangère sur ce cadavre. N'espérons donc que dans le ciel, et nous ne craindrons plus l'exil. Il y a, dans la religion, toute une patrie. Tandis qu'une partie de la création publie chaque jour, au même lieu, les louanges du Créateur, une autre partie voyage pour raconter ses merveilles. Des courriers traversent les airs, se glissent dans les eaux, franchissent les monts et les vallées. Ceux-ci arrivent sur les ailes du printemps, et bientôt, disparaissant avec les zéphyrs, suivent de climat en climat leur mobile patrie. Ceux-là s'arrêtent à l'habitation de l'homme. Voyageurs lointains, ils réclament l'antique hospitalité. Chacun suit son inclination dans le choix d'un hôte. Le rouge-gorge s'adresse aux cabanes, l'hirondelle frappe au palais. Cette fille de roi semble encore aimer les grandeurs, mais les grandeurs tristes, comme sa destinée. Elle passe l'été aux ruines de Versailles et l'hiver à celles de Thèbes. À peine a-t-elle disparu qu'on voit s'avancer sur les vents du nord une colonie qui vient remplacer les voyageurs du midi, afin qu'il ne reste aucun vide dans nos campagnes. Par un temps grisâtre d'automne, lorsque la bise souffle sur les champs, que les bois perdent leurs dernières feuilles, une troupe de canards sauvages, tous rangés à la file, traversent en silence un ciel mélancolique. S'ils aperçoivent du haut des airs quelques manoirs gothiques environnés d'étangs et de forêts, c'est là qu'ils se préparent à descendre. Ils attendent la nuit et font des évolutions au-dessus des bois. Aussitôt que la vapeur du soir enveloppe la vallée, le cou tendu et l'aile sifflante, ils s'abattent tout à coup sur les eaux qui retentissent. Un cri général, suivi d'un profond silence, s'élève dans les marais. Guidé par une petite lumière qui peut-être brille à l'étroite fenêtre d'une tour, les voyageurs s'approchent des murs à la faveur des roseaux et des ombres. Là, battant des ailes et poussant des cris par intervalles, au milieu du murmure des vents et des pluies, ils saluent l'habitation de l'homme. Un des plus jolis habitants de ces retraites, mais dont les pèlerinages sont moins lointains, c'est la poule d'eau. Elle se montre au bord des joncs, s'enfonce dans leur labyrinthe, reparaît et disparaît encore en poussant un petit cri sauvage. Elle se promène dans les fossés du château, elle aime à se percher sur les armoiries sculptées dans les murs. Quand elle s'y tient immobile, on la prendrait, avec son plumage noir et le cachet blanc de sa tête, pour un oiseau en blason tombé de l'écu d'un ancien chevalier. Aux approches du printemps, elle se retire à des sources écartées. Une racine de saule minée par les eaux lui offre un asile. Elle s'y dérobe à tous les yeux. Le convolvulus, les mousses, les capillaires d'eau suspendent devant son nid des draperies de verdure. Le cresson et la lentille lui fournissent une nourriture délicate. L'eau murmure doucement à son oreille. De beaux insectes occupent ses regards, et les naïades du ruisseau, pour mieux cacher cette jeune mère, plantent autour d'elle leurs quenouilles de roseaux, chargées d'une laine empourprée. Parmi ces passagers de l'Aquilon, il s'en trouve qui s'habituent à nos mœurs et refusent de retourner dans leur patrie. Les uns, comme les compagnons d'Ulysse, sont captivés par la douceur de quelques fruits. Les autres, comme les déserteurs du vaisseau de Cook, sont séduits par des enchanteresses qui les retiennent dans leurs îles. Mais la plupart nous quittent après un séjour de quelques mois. Ils s'attachent aux vents et aux tempêtes qui ternissent l'éclat des flots et leur livrent la proie qui leur échapperait dans des eaux transparentes. Ils n'aiment que les retraites ignorées et font le tour de la terre par un cercle de solitude. Ce n'est pas toujours en troupe que ces oiseaux visitent nos demeures. Quelquefois, deux beaux étrangers, aussi blancs que la neige, arrivent avec les frimas. Ils descendent, au milieu des bruyères, dans un lieu découvert et dont on ne peut approcher sans être aperçu. Après quelques heures de repos, ils remontent sur les nuages. Vous courez à l'endroit d'où ils sont partis et vous n'y trouvez que quelques plumes, seules marques de leur passage, que le vent a déjà dispersées. Heureux le favori des muses qui, comme le cygne, a quitté la terre sans y laisser d'autres débris et d'autres souvenirs que quelques plumes de ses ailes. Des convenances pour les scènes de la nature ou des rapports d'utilité pour l'homme déterminent les différentes migrations des animaux. Les oiseaux, qui paraissent dans les mois des tempêtes, ont des voix tristes et des mœurs sauvages, comme la saison qui les amène. Ils ne viennent point pour se faire entendre, mais pour écouter. Il y a dans le sourd mugissement des bois quelque chose qui charme les oreilles. Les arbres qui balancent tristement leurs cimes dépouillées ne portent que de noires légions qui se sont associées pour passer l'hiver. Elles ont leurs sentinelles et leurs gardes avancées. Souvent, une corneille centenaire, antique sibylle du désert, se tient seule perchée sur un chêne avec lequel elle a vieilli. Là, tandis que ses sœurs font silence, immobile et comme pleine de pensées, elle abandonne au vent des monosyllabes prophétiques. Il est remarquable que les sarcelles, les canards, les oies, les bécasses, les pluviers, les vanneaux, qui servent à notre nourriture, arrivent quand la terre est dépouillée. Tandis que les oiseaux étrangers qui nous viennent dans la saison des fruits n'ont avec nous que des relations de plaisir. Ce sont des musiciens envoyés pour charmer nos banquets. Il en faut excepter quelques-uns, tels que la caille et le ramier, dont toutefois la chasse n'a lieu qu'après la récolte, et qui s'engraissent dans nos blés pour servir à notre table. Ainsi, les oiseaux du Nord sont la manne des aquilons, comme les rossignols sont les dons des zéphyrs. De quelque point de l'horizon que le vent souffle, ils nous apportent un présent de la Providence.